Une envie diable chaque fois que je me lève parce que mes jours n'est plus la merde. Moi j'ai une âme et un corps froid car j'ai plus beaucoup de la merde. Si je peux te donner un conseil, ce monde est chelou à leur fil. Y'a même des flics qui refilent le shit, ils viennent de taxer à leur fille. J'ai mal au dos, je crois que c'est à cause de tout ce sucre qui casse dessus. Je rêve de lui mettre tout bien profond. La France, je vais l'appeler capsule. Ils veulent nous pousser à bout. À la jambe, une corde d'une pierre. Moi je fais pas de prière, cœur de pierre, ils savent pas juste depuis hier. J'ai compris leur système et je crois que c'est vraiment des vicieux. Là je suis en train de péter un plomb, j'en ai mes boulons qui se dévissent. Je suis bloqué dans ma vie comme dans ces S bien entamés. Je sais pas quoi faire ni quoi écrire, si je crois pas je finirai taré. Le principe cocotte minute, je l'ai jamais autant connu. Dans le passé je me serais tenu, maintenant tu me veilles et je t'en collune. Aujourd'hui t'as une faiblesse, il vaut mieux la cacher vite. Sous cacher je vis, m'arrache ses vies comme dit ma mère, écorché vite. À l'être humain moi je m'attache pas, je sais qu'il voudra me doubler. Je vis dans le royaume de la haine et cette pute m'a adoubé. C'est œil pour œil, dent pour dent, la si belle loi du talion. J'évolue sur des cibles et certains disent j'ai du talent. Aujourd'hui c'est tout ce que j'ai, alors respectez mes saumons. Même si c'est vrai qu'en ce moment ils ont plus du style, mais saumons. Les choix qu'ils nous offrent sont tous traits, donc me dites pas tirer ou pas. Heureusement j'ai pas de calibre, je risquerais de me tirer une balle. Parce que dégoûté de ces temps, je deviens de plus en plus marginal. Dans le monde réel, Homer est pervers, les affûts, mais marginal. Rien que d'en parler, j'ai mal au crâne, à chercher comment vous l'écrire. Et s'ils me disent la vie est belle, je leur répondrai, vous voulez rire. Je sais pas s'il y a que les gens d'en bas qui connaissent ça et pas les riches. Mais j'espère que ça changera avant qu'on soit pas les riches. Ça paraît clair qu'ils ne veulent pas, je n'en suis pas doute, messieurs. Bordel, c'est fou ce que ça m'inspire, j'en suis déjà à train de me suivre. Un homme au jour du broie du noir, et souvent tête craque. Conséquence, il se pète, la tête pète craque. On vit dans un monde sans espoir, dépourvu d'humanité. Donc si un jour se croise mon destin, je lui dirai, tu m'as niqué. Je fais pas texte pour qu'on me dise, il est bien ton exposé. La fin approche, ça bouillonne, ça va bientôt exploser. Ce qui est clair dans mon esprit, c'est que le bonheur est révolu. Je finirai steak sur une belle chose, enfin j'aurais voulu. À parler de ça, mais c'est pas grave. En plus, je me lance, mon cœur capot, si je le guéris grâce à l'écrit en hurlant. Je suis toujours comme tu m'as connu, je fais pas de quelques notes. Tout pour moi, c'est de l'éternel, posé sur quelques notes. Je n'arrête pas de penser à toi, t'es mon modèle d'humilité. Surtout le long de ce texte, pour ton souvenir, je vais militer. Force de sagesse, de bravoure, non, je ne parle pas d'une utopie. C'est même avec le sourire que tu donnes ton hobby. Œuvre d'art de la nature, ce n'est pas une hyperbole, mais œuvre d'art paradoxale, c'est à hyper la boule. Les souvenirs me reviennent lorsqu'on m'a tiré des VHS. C'est grâce à toi que j'ai connu le sens de leur vérité. Richesse, une poudre d'or, comme enfermé dans l'enveloppe. À part que la vie te pourvoit d'un trésor, t'enlève l'autre. On prépare inimaginable, inconcevable, lève l'un. 29 janvier 2006, c'est ton avis qui lève l'un. Il faut garder le meilleur et seulement lui. Mais moi, je n'arrive pas à me contenter. Seulement de la mémoire, ce son me dérange. Je veux pas qu'on croit que je me fais plaindre de ta mort. Je te réserve juste quelques minutes afin de te dire deux, trois mots. J'en ai point. Et j'aimerais qu'on sache qui tu fus. Et si tu te reproches des trucs, on est qui tu fumes. Sachez que je parle d'une personne que je peux pas décrire entièrement. Mais pour vous dire, elle voulait pas de couleur noire à l'enterrement. La joie de vivre, bonne humeur à son état pur. Illusion d'une lueur qui tient une s'éteint plus. Quelquefois on imagine ta vie si bipède. Et la nuit de temps à autre j'entends ta machine biper. Je sais que t'es mieux là où tu es, quoi qu'il en soit je m'en convainc. On pourra me dire le contraire, de toute façon je m'en manque enfin. Je veux pas rentrer dans les détails, ce soit handicap, maladie. Si on me demandait de le faire, crois-moi j'aurais du maladie. Ce que je retiens de toi c'est ton combat, la richesse de ton âme. Malgré les épreuves traversées, chaque fois ton envie détonna. Quand il advienne qu'il puisse se passer, t'inquiète pas, on le surmonte. À jamais tu resteras gravé dans et sur mon cœur. J'avais besoin de ces paroles afin de résumer ma pensée. J'en profite pour te remercier des valeurs tu m'as passées. Je m'arrête là, que j'en peux plus de ces lignes. Retenez bien de ma sœur, du son mon fut Céline.